Ce tracteur roule à 25 km/h, soit environ 7 mètres secondes. Même si mon allure n'était que de 50 km/h, soit deux fois plus vite que lui, j'ai le temps et une visibilité parfaite pour le dépasser en toute sécurité, même en suivant cette voiture. Personne n'est sur le point de me dépasser. La ligne de dissuasion autorise le dépassement d'un tracteur sur ce type de route sinueuse. Rien ne s'oppose à ma manœuvre. Réponse A.